C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Pascal Yeg est en feu. Il a analysé trois matchs de football pour le réseau des sports. Je ne sais pas s'il a eu la chance de regarder la Coupe Grey du coin de l'œil. Salut, Pascal. Salut, Dan. Oui, effectivement, j'avais la Coupe Grey sur un écran de côté. Donc, mon œil droit a regardé la Coupe Grey, puis mon œil gauche analysait les games de la NFL. Ça doit être difficile de manquer des fois des jeux. C'est sûr que vous avez comme un décalage avec le réseau américain. Vous avez 5-6 secondes parce que vous n'êtes pas là. Mais les deux ensemble, ça doit être quelque chose. Ben écoute, c'est sûr que ton attention est surtout sur le match que tu es en train d'analyser. Donc, ouais. De temps en temps, tu manques un ou deux matchs au niveau du... tu sais, comme là, comme mettons, pour exemple, là, cette semaine, c'était la Coupe Grey. Tu sais, la semaine passée, j'avais deux games de la NFL, puis j'ai regardé le bol d'or, je venais de Division 1 en même temps. Ouais. Après ça, tu regardes les séries de la CFL en même temps. Mais souvent, c'est pas rare qu'on va analyser une game de la NFL, puis on va avoir d'autres écrans de d'autres matchs de la NFL aussi en même temps. Ouais, c'est quelque chose. Pascal, on va parler de cette Coupe Grey-là. Écoute, j'ai parlé à Shane Gauthier. Et nous autres, à Dolbeau-Mistassini, on est fiers. Là. C'est rare qu'un athlète se rend aussi loin. Il lève la Coupe Grey dans une petite ville de 12 000 personnes. Là. Il y a de quoi être fier, Pascal? Ben non seulement il y a de quoi être fier parce qu'il est un représentant de ton coin, mais en plus, Shane a connu toute une saison, a eu un impact vraiment majeur là, avec les Blue Bombers, a fait sa marque, sa unité spéciale, le gros jeu qui leur a permis. Puis tu sais, ça a quand même été souligné, mais je pense que pour certains, des fois, tu ne vois pas l'impact qu'un joueur peut avoir sur une unité spéciale. Puis Shane, mais je lui lève mon chapeau parce que c'est un super bon joueur de foot, puis il s'est donné à son équipe, puis là, il a levé la coupe Grey, donc il y a de quoi être fier de lui. Effectivement. Moi, je suis... Pascal, je suis un peu surpris. Tu sais, et je vais te poser une question. Les Blue Bombers de Winnipeg, c'est à partir de... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est à partir du moment où Zach Kalaros est arrivé au poste de corps que le déclic s'est fait. J'ai demandé à Shane, puis c'était pas nécessairement ça, mais moi, je pense que Kalaros a changé beaucoup la donnée. Parce que Chris Traveller n'était pas mauvais, mais c'était pas le... Je sais pas, je suis pas dans la chambre, mais de ce que j'ai pu observer, c'était pas le leadership de Kalaros. Ben, en fait, moi, je pense que c'est pas nécessairement Kalaros qui est arrivé et qui a tout changé. Je pense que cette équipe-là a démontré beaucoup de résilience au courant de la saison parce qu'on dominait. Et c'était pas la première fois que Winnipeg dominait en début de saison puis qu'à un moment donné, le château de cartes tombait puis il y avait de la misère à rentrer dans les séries ou tout simplement avoir un momentum en fin de saison. Et cette année, j'ai senti du côté de Winnipeg, puis je le sais que tu as nos enregistrements, tu les as gardés, oui. Parce que j'avais mentionné que si je pensais qu'il y avait bien une équipe qui pouvait surprendre, c'était Winnipeg cette année. Et ce qu'ils ont fait sur la route, c'est oui, Kolaros, il y a une importance parce que c'est cœur arrière, mais c'est vraiment un succès d'équipe, les unités spéciales, la défense. La défense de Winnipeg était vraiment solide. Ils ont arrêté des grosses attaques en fin de saison, donc j'aurais aimé ça, être présent dans le locker room pour voir un peu à quel moment ils se sont dit « il n'y a rien qui va nous arrêter les boys ». Tu sais, c'est pas une blessure, c'est pas une jambette qui va nous ralentir, on a un objectif, puis ben on y va jusqu'au bout, puis on l'a vu dans les séries, en terrain hostile, ouais. Ils se sont tenus debout, puis ils ont fait en tout cas tout un job. Je suis vraiment content que ce soit eux qui a remporté la Coupe Grey, pas parce que j'étais un fan de Winnipeg, mais parce que je trouvais que c'était une belle histoire. Puis ils sont allés gagner à Calgary, ils sont allés gagner en Saskatchewan. Tu l'as mentionné. Ils sont venus à Calgary pour gagner, tu sais. Ouais. C'est hot. Puis tu sais, battre Hamilton, c'était pas simple non plus. Là. Ben, Hamilton avait des joueurs explosifs avait un carrière qui a pris la relève des tôt quand même dans la saison. En tout cas, ils ont battu une très très bonne équipe qui est celle des Tiger Cats. Ils ont également battu une super bonne équipe qui était celle des Stampeders. Après Saskatchewan, c'est pas un passe-droit là, qu'ils ont eu. Ils Non. ont battu les meilleures équipes pour devenir la meilleure équipe. Effectivement. Donc, les Bombers, puis du côté des Tiger Cats, on n'a jamais pris notre trip. Hein? Jamais, jamais, Non, mais jamais. c'est ce qui était impressionnant, moi, je trouve, avec Winnipeg, c'est qu'ils ont joué avec une confiance. C'était assez incroyable de les voir toujours en contrôle. Dans aucun match des séries, on s'est dit, là, oh boy, là. Non, non, ils étaient toujours en contrôle. Ils jouaient avec une belle attitude puis une confiance assez déstabilisante. Bon, hey, je vais te poser une question que j'ai posée à Shane. Moi, là, est-ce que ça veut dire Winnipeg? Hamilton avait une fiche de 15-3. Est-ce que c'est une fiche un peu trompeuse, compte tenu qu'ils jouent dans l'Est, compte tenu que c'est Ottawa, Toronto, c'est faible, les deux équipes, c'est très faible. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une fiche trompeuse ou c'est faut donner crédit aux Bombers? Ah non, moi pour moi, tu Ouais. sais, en fin de saison, là j'élimine les séries, la Ouais. meilleure équipe c'était les Tiger Cats. Tu peux analyser, même s'ils peuvent avoir des fois des fiches supérieures par rapport à leur horaire, là, tu sais, par rapport au fait qu'ils ont peut-être affronté mettons, plus souvent des équipes moins bonnes. Ou, tu sais, non, Ouais. non, les Tiger Cats, tu le voyais sur le terrain, peu importe l'équipe qui jouait. C'était une équipe dominante, puis c'était dans toute la CFL, c'était l'équipe que j'étais confiant de dire, eux, ils vont se rendre à Coupe Grey. Oui, puis quand même le cas hier, écoute, c'est Mazzoli qui s'est blessé contre Winnipeg, justement. Tu sais, c'est pas évident d'arriver avec ton deuxième cas hier, là, puis me dominer comme Alors, ça, là. exact, exact. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était bien entouré, des bons receveurs de passes. Brandon Banks. Une ligne à l'attaque dominante, une défense solide. Tu sais, Hamilton avait tout pour gagner, là. Si Hamilton avait gagné contre Winnipeg, on serait dit la logique a été respectée. Cependant, Winnipeg avait ce petit plus qui ne s'explique pas Ouais, sur effectivement. un alignement ou qui ne s'explique pas en analyse, mais tout simplement, tu sais, comme un vibe qui se vit sur le terrain, là. OK. Il me reste trois points que je veux te parler. Puis ça concerne les Alouettes. Puis il y a un cas de Colin Kaepernick. Vu que tu connais autant la NFL que la CFL. Je veux te parler des Alouettes avant tout. Herb Zurkowski, qui est un journaliste très bien plugué dans les affaires des Alouettes. Probablement le journaliste le plus plugué, mentionne que Kerry Jones, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir son tweet ce matin, cet après-midi, 3 ans avec les Alouettes, ça c'est une bonne 3 ans. nouvelle. Oui, Selon exact. C'est une très Zurkowski. bonne nouvelle. Écoute, c'est juste particulier, tu sais, qu'on engage un entraîneur-chef, on n'a toujours pas de propriétaire. C'est Ouais. comme ça va-tu finir cette histoire-là? Mais c'est la meilleure nouvelle des Alouettes, c'est de réussir à garder Kerry Jones parmi l'organisation, puis s'assurer d'une continuité de ce qui a été entamé cette année-là. OK. Deuxième point d'actualité. Justement, on veut parler de l'aventure. Je sais que t'es tanné, mais il faut en parler pareil. Ça t'inquiète-tu? Moi, je vais te dire une affaire. Je commence. C'est sûr que quelqu'un m'est arrivé hier et dit, il y a peut-être un embargo sur la nouvelle parce que c'est long. J'écoutais Pierre Vercheval le matin au 91.9 dire, mais si c'est un groupe, ça peut. Faut qu'ils s'entendent, faut qu'ils sachent si la chimie va passer. Mais on s'entend-tu pour dire que les 2 prochaines semaines, non, maintenant la Coupe Grey est passée, là. Les 2 prochaines semaines sont annonciateurs de ce qui se passe. Si après 2 semaines, s'il ne se passe rien, on n'a rien, là, ça va commencer à être inquiétant. Écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai commencé à être inquiet par avoir le dossier. Puis on dirait que quand ça fait tellement longtemps que tu es inquiet, t'as plus le sentiment. Tu sais, Moi. j'ai de la misère à t'expliquer, Danny, ce dossier-là. C'est clair qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas parce que. Éric Lapointe, il avait tellement un beau projet, il avait tellement quelque chose de crédible entre les mains, ton chum Éric Lapointe. Je comprends pas. Tu sais, je comprends pas que ça tarde tant que ça. Ben écoute, C'est inquiétant. Moi, je dis. je suis même pas capable de t'expliquer. Parce que là, c'est. Ouais. Je veux dire, tout a été dit dans ce dossier-là, dans ce que le monde savait. S'il y avait quelque chose, s'il y avait quelque chose, je sais pas moi, Parce que là, la bonne un secret, ouais. S'il y avait eu un secret, là, il aurait été, je veux dire, ça fait des mois que cette histoire-là, s'il y avait un secret, quelqu'un qui l'aurait trouvé quelque part, et qui aurait sorti l'espèce d'anguille sous roche, qu'est-ce que tu sais, mais là, il y a rien qui se passe, là, en tout cas, c'est... Ok, non, mais c'est parce qu'à quelque part. J'ai rien de plus. Moi, à quelque part, la belle saison des Alouettes, ça prouve qu'il y a un marché. Moi, j'ai toujours cru qu'il y a un marché à Montréal. Les gens disaient, ah, ben, ça sent comme les années 80, on les a déjà perdus. Je suis pas prêt à dire, écoute, c'est pas du tout le même contexte, là. Puis Pascal, tu l'as vécu ce moment-là. Pas du tout le même contexte. Il n'y avait pas de mentalité de football. Mais moi, ça m'inquiète, drôlement. Je sais pas. Tu sais, le fait que c'est. On va le suivre les deux prochaines semaines. Moi, je dis que c'est annonciateur. Pascal, il me reste un point, je vais te parler de Colin Kaepernick. Écoute, il y a eu un Pro Day la semaine passée. Il y a eu 8 équipes. Au départ, il était 24. Il a changé de place. Ça a tombé à 8. Et là, le téléphone ne sonne pas. Question. Est-ce que les gens qui se sont inscrits au Pro Day, est-ce que c'était juste pour acheter la paix et faire bien paraître la NFL ou ils étaient vraiment sérieux? Et deuxième question, est-ce que Colin Kaepernick s'est aidé en changeant la place du Pro Day? Ben, c'est une bonne question parce que en fait, on a mis le Pro Day à une date où aucun gros nom des organisations pouvait être présent. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas, tu sais, il y avait, je veux dire, il n'y a aucun, on a envoyé tous nos adjoints. Pis, ouais. Tu sais, dans ces moments-là, ça démontre beaucoup. Ça veut dire beaucoup, hein? C'est ça, tu sais, l'intérêt réel. De deux, si la NFL, c'était une stratégie de bien paraître. Ouais. Ben, tu sais, ils ont manqué le coup parce que ça, je trouve que ça fait que ça paraît encore moins bien, là. Mm. Mais j'ai encore du mal à expliquer comment que certains carrières ont un emploi dans la NFL puis que Colin Kaepernick en a toujours pas, clairement. Mais là, il y a Game un Shape, là. Qui a été respecté, là. Ouais. Il y a Game Shape aussi, là, Pascal. Je pouvais comprendre. L'expérience, puis... Ouais. Mais la Game Shape, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas joué le terrain de football. Ouais, ah ouais, non, ça c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, à moins qu'il demande un contrat de carrière numéro 1, ça, j'ai pas cette information-là, c'est un autre, ouais. C'est un autre game, là, mais tu sais, effectivement, ça fait 2 ans qu'il a pas joué, puis on s'entend pour dire que s'il demande un salaire un peu plus élevé qu'un jeune, tu vas te dire, ben non, je vais investir dans un jeune carrière, puis on va le développer comme on veut, puis on va s'assurer qu'on n'a pas de problème avec la NFL. Là. Ouais, puis donc il reste quoi pour Colin Kaepernick, la XFL? Ouais, puis c'est même là la XFL, Dan. Ouais, mais c'est parce que c'est un gros nom pour la XFL. Tu veux lancer une ligue, là, il me semble que ce serait quelque chose. En tout cas, bref. Ouais. Pascal, il me reste qu'à te remercier de ta participation cette année. On va se reparler durant le temps des fêtes pour notre fameuse rétrospective comme on fait tout le temps. Et peut-être d'ici 2 semaines, on va avoir des belles nouvelles concernant la vente. Moi, comme je t'ai dit, ça commence drôlement à m'inquiéter, moi. Non, ben écoute, on se garde, on reste en contact et on s'assure que la prochaine fois qu'on se parle, que les Alouettes sont vendues. Ben, effectivement. Pascal Masson, des collaborateurs des Alouettes de Montréal.